La maison d'édition allemande Atavi Media Print de Berlin a fait paraître en brochure l'œuvre du dirigeant suprême Kim Jong-un. La cause du parti des éminents camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il triomphera à coup sûr à l'occasion de la journée de la brillante étoile. La cérémonie de parution s'est déroulée à la maison d'édition.